Tu verras, elle ne résistera pas longtemps. Gabon. Buenas noches y bienvenidos, bienvenidas. Onji et Ori, bienvenue à Oula la musique. Estamos en marzo y es el mes de la francophonie. En Bilbao podréis disfrutar de muchas actividades organizadas por el Instituto Francés. Y entonces aquí pues queríamos hacer programas de canciones francesas como siempre. Y empezaremos pues por este mes con Loïc Lantoine, un cantante, un cantautor, un poeta que, como dice, hace canción que no se canta. Lo escucharemos con sus músicos de siempre y también con la Very Big Experimental To Be Free Orchestra. Quand les cigares y changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le bottin? Quand les gibus y changeront de tête, quand les babous elles changeront de doigts, quand l'omari changera de fourchette, les employés on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Remarquez même mon Rockefeller, heureux, je resterai quand même fils d'ouvrier. Qu'un employé, un bas salaire, c'est une chose à pas oublier. Oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genou, les sofas qui changeront de derrière, qui c'est qui changera de pignon, quand les rôles changeront de carte grise, quand Maxime changera de client, quand les smoking changeront de valise. Alors la vie, les gens que bon, il faudra plus nous négliger, si nous qu'on se rend des PDG. Et solo, ouais mais solo, un super solo. Ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand le bonne soupe changera de douche, qui sera dans le potin, quand les gibus ils cangeront de chiette, quand chez Bacouzac cangeront de bourre, quand l'omaille cangera de fourchette, chez un poignet, à sera les rois, il faudra nous négliger, c'est nous qu'on seront les PDG. To be free orchestra will be free because we are freedom and we are to be free. Ahí empezamos con Louis Clantoine y la Very Big Experimental To Be Free Orchestra. Pues eso, Louis Clantoine es un cantante o un poeta, no se sabe bien, pero empezó pues a hacer sus cositas en los bares de París, aunque es del norte de Francia, donde se nota a su acento cuando habla. Pues esta semana haremos entonces, claro, bastantes traducciones de lo que son sus canciones, sus textos, que merecen un poco eso de ser entendidos. Corro. Los pelos de mi hermana capturados por mi mano. No tenía que molestarme. Aquí tenemos que consolarnos. Su sonrisa bajo sus lágrimas. Le diré que la quiero mañana. Esperando, hermanita, nuestras alegrías caban. Los 10 duros de chuches robados a mamá. A la bolsa del amor hacen una fortuna de un nada. Su cuaderno a canciones cantadas de vez en cuando. Cuando me daba igual, tenía todo y los míos. Las noches de Nochebuena nos atravesábamos a besarse. Me la suda Papá Noel, hay que ver qué guapos estábamos. Y los domingos de aburrimiento, mi padre me hacía juguetes. Como se dice en nuestra región, c'est du chien, je peux lire. Es sangre, no es agua. Corro en el otro sentido de la tierra. Corro, me canso, no recupero nada. Y el tiempo me deja solo souvenir y arrepentimientos, pero corro. Más tarde, unas amistades que se olvidan suavemente me han removido la cabeza, nos hemos enfadado. Fumábamos escondido, has visto el granujo, el mayor. Copiábamos en el cole aún durante los dictados. Ligábamos las chicas, lo hemos logrado con algunas, que me enseñaron cosas que nunca hubiera creído. Supe que un pequeño trasero podía ser una duna, que si mezclas labios tienes el corazón que lata. que late. Nos hemos construido el mundo con nuestras miradas nuevas. El día siguiente, otro venía a reemplazarlo. Habíamos entendido todo de la gallina o del huevo. Hermanos míos, del pequeño o grande, me habéis dibujado. Y algunos pasos más tarde, me caí de amor, por una no igual que supo hacerme crecer. Nada más que resoñarlo, creo que la vida va. Soy a favor. Nuestras risas son mi orgullo. Hemos inventado todo. Hemos aprendido nuestros cuerpos, hemos mezclado nuestras cabezas. Y nos hemos parecido gemelos enamorados. Del miedo de crecer hemos hecho una fiesta. Había un montón para nosotros y un poco menos para ellos. Si los años, pues a ver, nos han rehecho extranjeros, recuento en mí nuestras decenas de miles de horas. Entonces, no eres tú quien me enseñarás a cambiar el bebé. Pórtate bien, pequeña dama. Os devuelvo a la alegría. Corro, en el otro sentido de la tierra, corro, me canso, me recupero nada. Y el tiempo me deja solo souvenir y arrepentimientos, pero... corro. Les cheveux de ma sœur, capturés par ma main. Fallait pas qu'elle m'embête, la faut qu'on se console. Son sourire sous ses larmes, j'y dirige l'aime demain. En attendant, fragile, nos joies creusent des rigoles. Les 10 balles à bonbons, piquées à ma maman. À la bourse de l'amour, faut une fortune d'arrêt. Son cahier à chansons, chanter de temps en temps, quand je m'en foutais bien. J'avais tout, et les miens. Je cours. Dans l'autre sens que la terre, je cours et me fatigue, je ne rattrape rien, et le temps ne me laisse que souvenirs et regrets. Mais je cours. Plus tard, les amitiés qui s'oublient doucement m'ont bousculé la tête en s'étant canaillé. On fumait en cachette, on a vu le voyou, le grand. On trichait à l'école, même pendant les dictées. On a dragué les filles, on en a eu quelques-unes qui m'ont appris des trucs. J'aurais jamais cru ça. J'ai su qu'un petit derrière, ça pouvait être une dune. Si tu mélanges des lèvres, ben t'as le cœur qui bat. On s'est construit le monde avec nos regards neufs. Le lendemain, un autre venait le remplacer. On avait tout compris, de la poule ou de l'œuf. Mes frères de petits grands, vous m'avez dessiné. Et je cours dans l'autre sens que la terre. Je cours et me fatigue, je ne rattrape rien. Et le temps ne me laisse que souvenir ses regrets. Mais je cours. quelques pas plus tard, je suis tombé d'amour pour une papaye qui a su me faire pousser. Rien que d'y rêver, je crois que la vie, je suis pour nourrir sans ma fierté. On a tout inventé, on a appris nos corps, on a mêlé nos têtes et on s'est ressemblé des jumeaux amoureux. De la peur de grandir, on a fait une fête, il y en avait plein pour nous et un peu moins pour eux. Et si les ans, ben voyons, nous ont refait étrangers, je recompte en moins de dizaines de milliers d'heures. Alors c'est pas toi qui m'apprendras à langer. Porte-toi bien petite madame, je vous rends au bonheur. Je cours dans l'autre sens que la terre. Je cours et me fatigue, je ne rattrape rien. Et le temps ne me laisse que souvenirs et regrets. Et je cours. Et vivement demain. Ahí estaba Loïc Lantoine y Coro. ¿Tú? Mi hombrecito, le decía su madre, si sigues corriendo afuera, todo desnudo como un gusano, tupito al aire, te pasará que pillarás la muerte. Mamá, me molestas, que le contestaba. Hago lo que lo quiero. Tengo casi 6 años. Me hace reír la ropa. Es feo. Hago pipi hacia arriba y molesto a los mayores. El tiempo pasa y el mannequin pis. Y el granujito con culito redondo bebía la fuente para cargar municiones. Reír es tan divertido. Es el tiratina más guapo. Mojaba la ciudad hacia subir los troncos. Aquel día, después de todo, hiela en Bruselas. Y el granujo, excusar la pena, no sentió el frío. Ría aún más. Se ha petrificado cerca de la fuente. Toi, mon petit bonhomme, lui disait sa mère, si tu continues à courir dehors, tout nu comme un ver, ton zozio à l'air, il t'arrivera que tu choperas la mort. Maman, tu m'embêtes, qui lui répondait. J'ai fait qu'est-ce que je veux, j'ai bientôt 6 ans. Ça me fait rigoler, les habits c'est laid, je fais pipi en l'air, j'embête les grands. Le temps passe. Et le mannequin pisse. Et le petit voyou, aux petites fesses rondes, buvait la fontaine pour faire munition. Rire, c'est si marrant. C'est la plus belle fronde. Il mouillait la ville, il faisait grimper les troncs. Ce jour-là, pourtant, il gèle sur Bruxelles. Et le garnement, excusez la peine, n'a pas senti le froid. Il rayait de plus belle, il s'est statufié près de la fontaine. Le temps passe. et le mannequin Peace. Antoine. Estáis en Ulala la musique, Irai Ratia 107.5 en la FM, en el www.sindominio.net/Irola. Y todos los programas para descargarlos en archive.org. Irola. Son las llamas de una rabia que vienen a abrasar la mirada de la dispersión de mis hermanos, mis amigos del no demasiado tarde. Es una alegría desmesurada de hacer los grandes descubrimientos de nuestras historias sin pasado, de nuestras tonterías recubiertas. Nuestro orgullo de estar sin odio, y de volver al curro gritando, chicos, tenemos que amarnos. Y el camino será menos largo. Y no se acaba y continúa. Hala, patrón, sírveme un sueño, te lo pagaré en reír. No es hora de la tregua. No dejaremos nuestros puños morir. Si hacemos la colección de las risas, es para preparar nuestros combates. Es porque no sabemos qué decir, excepto mirar más abajo. Y si mezclamos nuestros lloros en un mar de amistad, es que nos queda un poco de miedo y que supimos compartirlo. Cuando sublimes discusiones vienen a encender la mañanita, es la vergüenza de un mundo enfermo. Y por eso, aún corremos. Y no se acaba y continúa. Hala, patrón, sírveme un sueño, te lo pagaré en reír. No es hora de la tregua, no dejaremos nuestros puños morir. Y vuestras cabezas en timidez, tanto que amáis los otros, no hace falta imitaros. Porque os quiero, sois vosotros mis otros. Cuando la locura devasta todo, viajamos por pequeños trozos de frase. Una vuelta a la tierra en un nada es nuestra cabanga que aplastamos. Cuando cogemos el tiempo de sentarse a la barra de los aún contentos, nos decimos que se llama la esperanza. Nos decimos que aún tenemos tiempo. ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! Ce sont les flammes d'une colère qui viennent embraser le regard de l'éparpillement de mes frères, mes copains du « c'est pas trop tard ». C'est une joie démesurée de faire les grandes découvertes de nos histoires sans passé, de nos conneries recouvertes. Notre fierté d'être sans haine et de retourner au charbon en gueulant les gars, faut qu'on s'aime et le chemin sera moins long. Et c'est pas fini, et ça continue. Vas-y patron, serre-moi un rêve. Je te le paierai en fou rire. Il est pas l'heure de la trêve. On laissera pas nos poings mourir. Si on fait la collecte des rires, C'est pour préparer nos combats. C'est parce qu'on sait pas trop quoi dire, à part regarder plus en bas. Et si on mélange nos pleurs dans une merde à métier, c'est qu'il nous reste un peu de peur et qu'on a su la partager. Quand de sublimes engueulades viennent allumer le petit jour, c'est la honte d'un monde malade et c'est pour ça qu'encore on court. Et c'est pas fini. Et ça continue. Vas-y, patron, c'est bon, un rêve. Je te le paierai en fourrie. Il est pas l'heure de la trêve. On laissera pas nos points mourir. Et votre tête en timidité, tellement que vous aimez les gens. Pas besoin de vous imiter parce que je vous aime, c'est vous mes gens. Quand la folie dévaste tout, on voyage par petits bouts de phrases, un tour de terre en rien du tout. C'est notre cafard qu'on écrase. Quand on prend le temps de s'asseoir, au comptoir des quand même contents, on se dit que ça s'appelle l'espoir. On se dit qu'on a encore du temps, et que c'est pas fini, et que ça continue. Vas-y patron, serre-moi un rêve, je te le paierai en fourrie, il est pas l'heure de la trêve, on laissera pas nos points mourir. À l'attaque. À l'attaque de Loïc Lantoine. Pues, este hombre empezó así, eso, con, más bien con un chico al contrabajo y luego se acopló una guitarra, ahora trompeta, violines, ahora es un quintet y cada disco es más musical, ¿no? Aunque no es nada más que chanson pas chantée, canción no cantada. Y vamos a ir a esta introducción, pero es una de sus hits, de sus famosas ahí, y se llama Pierrot, sería como Pedrito, Pedro. Ahí va. Les soirs où tout est un peu moche, où même un sourire devient louche, où je brise tout ce que je touche. Avis devant ma vie, les paupières en parapluie. Y a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit dans un sourire: que je tremble autant que j'orage, quand je recompte mes défauts et les jours où je siffle faux, quand je me sens suant, sale et seul, avec la gueule de traviole. Y a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit dans un sourire: j'hurle dans un mauvais roman que je me mens chaque moment, quand je me sens fiston sans papa, quand ça va pas frère, ça va pas. Y a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haute main d'eau qui me dit dans un sourire. Antoine et Pierrot. Bon, siempre que algo no va muy bien, siempre está mi amigo Pedrito. Este amigo invisible que nos sostiene siempre. Estáis en Hula la Musique y seguimos con Loïc L'Antoine. Dice no se sabe cómo ni definirlo, ¿no? De cantante, pero no cantante, poeta. Ahí es para verlo, ¿no? Escucharlo, porque pues son letras muy muy profundas, pero verlo es todo un espectáculo en un escenario. Yo pues lo vi con esta super big orquesta To Be Free, y la verdad es que pensaba en principio aburrirme un poco, y fue 2 horas y media que se pasaron como súper rápidas, muy flipante. Vamos con otro temita. Aux étoiles, a las estrellas. He cantado a las estrellas mi amor para ti. E hizo el cálculo. Mi voz les llegará en 3 billones de años. Seguramente van a apagarse al no haber podido amarte, porque solo yo te puedo apagar. A tu único souvenir, mi alegría perla en lágrimas, y se baja a toda prisa en cascada y algarabías. Si la ciudad pánica, es solo de ignorar que miles de torrentes de amor vienen a brevarlo. Que me redigan un día que el amor solo tiene un tiempo, mientras correrá el tiempo te amaré tanto. No te preocupes, mi amor, dejámoslo desfilar. Es tiempo de extenderse para desafiarlo mejor. He querido ver belleza en otro lugar que en tu cuerpo, pero mis ojos sin reposo deben cachar más. No tengo otro sueño que dormir en tu tripa. No tengo otra locura que entrar en tu entro. Tengo el corazón que piensa y la cabeza que bombea. Felicidad de estar de revés, la razón que se difumina. Cuando de tus dedos helados me quema la piel, cuando en tus pequeños brazos me tumbo en un castillo. No es que hay que irse, sino ¿quién me va a ayudar a decirme que hay que comer y también respirar? No sé hacer nada más que pensar en ti. No, es verdad, exagero. Quiero hablar de ti. Te has ofrecido a mí y he ganado mi muerte. Y he ganado mi muerte. Mi igual, mi misma. Aquí estoy cubierto de oro. Para decirte que te quiero, he tenido que hacer unas capas a tu próxima sonrisa pondré tres casos más. Que me digan un día que el amor solo tiene un tiempo, mientras correrá el tiempo te amaré tanto. No te preocupes, mi amor, dejámoslo desfilar. Es tiempo de extenderse para desafiar lo mejor. Alors parviendra dans 3 milliards d'années. Sûrement, elles vont s'éteindre de n'avoir pu t'aimer, car moi seul peux t'étreindre. À ton seul souvenir, mon bonheur perle en larmes et s'en va dévaler en cascades et vacarmes. Si la ville panique, ça n'est que d'ignorer que 1000 torrents d'amour s'en viennent la breuver. Qu'on me redise un jour que l'amour n'a qu'un temps, tant que courra le temps, je t'aimerai autant. T'en fais pas mon amour, laissons-le défiler, il est temps de s'étendre, pour mieux le défier. J'ai voulu voir du beau ailleurs que sur ton corps, mais mes yeux sans repos doivent fuir encore. Je n'ai d'autre sommeil que dormir sur ton ventre. Je n'ai d'autre folie que rentrer dans ton antre. J'ai la tête qui pense, et la tête qui pompe, et le cœur qui pense. Bonheur d'être à l'envers, la raison qui s'estompe quand, quand de tes doigts glacés tu me brûles la peau, quand dans tes petits bras je couche en un château. Et qu'on me redise un jour que l'amour n'a qu'un temps, non. Tant que courra le temps, je t'aimerai autant. T'en fais pas mon amour, laissons-le défiler, il est temps de s'étendre, pour mieux le défier. S'agit pas de s'en aller sinon, qui va m'aider? Me dire qu'il faut manger puis aussi respirer. Je ne sais plus rien faire que de penser à toi. Non c'est vrai, j'exagère. Je veux parler de toi. Tu t'es offerte à moi et j'ai gagné ma mort, ma même, ma pareille. Me voilà couvert d'or. Pour te dire que je t'aime, j'ai dû en faire des couches à ton prochain sourire. J'en rajouterai trois louches. Et qu'on me redise un jour que l'amour n'a qu'un temps, non. Tant que courra le temps, je t'aimerai autant. T'en fais pas mon amour, laissons-le défiler, il est temps de s'étendre, pour mieux le défier. Que no se dice muy implicado, deja aún pasar sus ideas en unos textos, ¿no? Y claro, en este que vamos a pasar y leer ahora, se llama Majid. Majid. Puedo por fin tomarme un reposo, encontrar el sol. Si se tumba sobre una cerveza, es el mar. Si no está loco, es una maravilla. Queda bajón en estado de guerra. Seguro no es del Polo Norte su sonrisa ardiente. Su viaje no es nada más que de aquí. Lo creemos de fuera, es curioso. El que pensaba tener solo una vida. Imagina si Majid se va y nuestros sueños ¿Quién entonces les beberá? Hemos mirado todo, mi gran hermano sin papeles. Hemos soñado todas las mezclas. Nunca habría apostado que un día te diríamos que molestas. El ahora, tío, de hacer callar tu felicidad. Tú, que llevaba la cabeza alta, aprenderás tus zapatillos de memorias. Los maderos del metro saben tu falta. Imagina si Majid se va. Y nuestros sueños, ¿quién entonces los beberá? Se dice que hay unos que quieren charterizar Kadur, que queremos echar nuestro príncipe árabe, que se orfanatea, su corte. Que lo perdamos en una cesta de cangrejos y nuestras lágrimas amargas hundieran el país. No tenemos el corazón en Mapamundi. ¿Quién puede pretender ordenar nuestras vidas? Afila las armas de los tirachinas. Louis L'Antoine Majid. Je peux enfin prendre du repos, j'ai dégoté le soleil. S'il se couche sur une bière, c'est la mer. S'il n'est pas fou, c'est une merveille qui met le cafard en état de guerre. Sûr, c'est pas du pôle Nord, son sourire brûlant. Son voyage n'est que d'ici. On le croit d'ailleurs, c'est marrant. Lui qui pensait n'avoir qu'une vie. Imagine. Si Majid s'en va, et nos rêves, qui dont les boira? On a tout regardé, mon grand frère sans papier. On a rêvé tous les mélanges. Je n'aurais jamais parié qu'un jour on te dirait que tu déranges. Voici l'heure, ma grande gueule, de faire taire ton honneur. Toi qui portais la tête haute, t'apprendras tes chaussures par cœur. Les flics du métro savent ta faute. Imagine, si Majid s'en va, et nos rêves, qui dont les boira? Pareil qu'il y en a qui veulent charteriser un pot d'eau, qu'on veut virer notre prince arabe, qu'on orphelinise donc sa cour, qu'on le perde dans un panier de crabes, et nos larmes amères couleront le pays. On n'a pas le cœur en map monde. Qui peut prétendre trier nos vies, affûte les armes de la fronde, imagine. Imagine si Majid s'en va. Et nos rêves, qui dans les boira? Imagine si Majid s'en va. Imagine. Loïc, L'Antoine, Majid, Stais, Enulala, Enirola Iratia. Y seguimos con Loïc, L'Antoine, este poeta cantante sin cantar. Dos manos. Dos manos se mezclan en la primera vez. Dos pieles extranjeras se estiban a los poros, mojados de sudor, nuevos retozos. 20 dedos están perdidos. Imaginan cuerpos entrelazados, lascivos. O empiezan una danza. Las uñas en zarpas buscan en entrar, pero una palma suave calma su demencia y los dedos se duermen, la carne aliviada. Dos manos se separan, la piel se hace seca, los dedos se retiran, ruedan en puños. El anular al aire de estar puesto al índice, los brazos los balancean, amenazando de lejos, manos de amante, traición sin guantes. Y giran los pulgares y empujan el turbio, las uñas afilan, un retorno sangrante, pero la otra muñeca reclama su doble. Dos manos se reencuentran, se agarran de nuevo, es la marea lenta de los corazones de los amantes que inflan las venas de las manos bajo la piel y que caza la sangre cuando el amor se marcha. Dos dedos que se rozan recogen esperanza, tocan mañana, acarician la fe. Parejas felices que de amor en gloria de amor se aprendan el decoro de memorias hasta las puntas de los dedos. Demain se mélange. C'est la première fois. Deux peaux étrangères s'arriment au port, mouillées de sueur, de nouveaux ébats. 20 doigts sont paumés, images, décors, enlacés, lascifs. On commence une danse. Les ongles en griffes cherchent à rentrer, mais une paume douce calme leur démence. Et les doigts s'endorment, la chair apaisée. Demain se sépare, la peau se fait sèche. Les doigts se retirent, se roulent en poing. L'annulaire a l'air d'être mis à l'index. Les bras les balancent, menaçant de loin. De main de maîtresse, trahison sans gants. Et tourne les pouces, et pousse le trouble. Les ongles aiguisent, un retour sanglant. Mais l'autre poignée réclame son double. Demain se retrouve. S'accrochent à nouveau. C'est la marée lente des cœurs des amants qui gonflent les veines des mains sous la peau et qui chassent le sang quand l'amour foule gant. Deux doigts qui se frôlent reprennent espoir. Ils touchent demain, caressent la foi des couples heureux qui, d'amour en gloire, d'amour, s'apprennent par cœur sur le bout des doigts. Y ahí ya nos acercamos al final y claro, no podíamos despedirnos del temón que se llama Moncote Punk, mi lado punky, que de hecho formó Loïc Lantoine con unos de la Rue Quetanui o unos cuantos más músicos, el grupo Moncote Punk, mi lado punky, que a ver si hacemos un programa también en las semanas que vienen. Estamos en el mes de la francofonía, no olvidar, en el Instituto Francés hay muchas actividades de cuentos y proyecciones muy interesantes. Acercaros en Bilbo. Y así va el tema Moncote Punk, mi lado punky, y nos despediremos con él, así que hasta la próxima. Faites gaffe à tout ce qui vient de la droite et de la gauche et ne lâchez rien. Mirado Punky. Llego a la mañana al bar de la esquina. Me instalo sabio. el alma sin tormento. Tengo muchas cosas que hacer que me podrían volver orgulloso. Pido un café para despertarme, quemo un cigarro, pero de pronto paro. Me froto las manos, es ahora mañana. Voy a poder construirme un futuro bello. Pero no sé lo que pasa. Pido una copa a su hermana, una por el camino y otra por la vuelta. Me agarro a la barra. Es cuando nos reímos, hablo de amor a gente sorda. Viene la noche, no puedo beber más, me eché. Una vez más, falló. No puedo nada, es mi lado punky. Es el viejo demonio que desmonta mi mundo. No puedo nada, es mi lado punky. Tengo la vida en vicio. Que se ríe de mi aviso. Bonsoir. Salut. Oui. J'arrive le matin au bistrot du coin. Je m'installe sagement, l'âme sans tourment. J'ai plein de trucs à faire qui pourraient me rendre fier. Je commande un café pour me réveiller. Je brûle une cigarette, mais bientôt j'arrête. Je me frotte les mains, c'est maintenant, demain. Je vais pouvoir me construire un bel avenir. Mais là je sais pas ce qui se passe, comment un rêve, son petit frère, un pour la route, un pour le retour, m'accroche au bar, c'est là qu'on se marre, je parle d'amour à des gens sourds, arrive le soir, je peux plus boire, me suis retrouvé. Encore raté, j'y peux rien, c'est mon côté punk. C'est le vieux démon qui démonte mon monde, j'y peux rien, c'est mon côté punk. C'est la vie en vis qui se fout, mon avis. Pourtant dans mon ventre aujourd'hui je rencontre. J'ai la tête en fleurs, elle me voit, elle meurt. D'amour à son lit. Confonds-toi en moi, je suis fondu de toi. Mon petit canari, je t'emmène à Paris. Mais là je sais pas ce qui se passe, car sur la route là, je m'en croûte pour que tu amènes. Je vois pas la peine, elle est trop bonne, elle doit être conne. J'ouvre la portière, puis au derrière, ma petite amie est embouillie. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois pas que je l'aimais. Je veux rien, c'est mon côté punk. C'est le vieux démon qui démonte mon monde. J'y peux rien, hein, c'est mon côté punk. J'ai la vie en vis qui se fout de mon avis. Je suis toujours à faire une chose, le contraire. Je sais pas ce qui se passe, je dois être à la masse. Bon vouloir se meurt, monsieur le docteur. Et vous allez m'aider, j'aurais vous payer. Je veux qu'une seule chose, c'est que ma tête se repose. Je suis plutôt dans le fond un gentil garçon. Moi je veux y parvenir à mon bel avenir. Mais là je sais pas ce qui se passe, ça sert à rien, dit le médecin. C'est chez vous là, moi j'ai cette arme, voyez les balles. Ça peut faire mal, la croix à la tête, y'a en fait une tête. La main à terre, sa gueule à terre, y est mal barré. Je le dirai. J'y peux rien, c'est mon côté punk. C'est le vieux démon qui démonte mon monde. J'y peux rien, rien, c'est mon côté punk. J'ai la vie en vis qui se fout de mon avis. Bonsoir. J'ai une blague. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que. Faudrait qu'on écoute pour voir ce que. Encore j'ai aucune... On peut dire plein. Alors, c'est plein. Reviens. Ma pola, calme, baila. Polo, repita, yo tu corazón vuela. Tu alma, en la calabana. Ma pola. Thank you.